Au cours des dernières heures à Montréal, à Tampa Bay, son article a été repris par un peu tous les médias en Amérique du Nord. C'est Régent Tremblay du Journal de Montréal qui a parlé avec Stephen Brofman. Il a fait des émissions à Tampa Bay. On lui parle. Bonjour, Régent. Bonjour. Régent, tu fais parler beaucoup de toi au cours des dernières heures. Plusieurs entrevues de données? Oui, c'est une journée un peu... Attends, ça a commencé hier, là, mais à mon avis, là, c'est assez fou, merci. OK. Ben, c'est correct. Ça fait partie du métier. Je t'ai entendu juste avant de rentrer en onde, et c'est ça qui m'intéresse un peu. Je t'ai entendu au 91.9, je t'ai entendu à Radio X aujourd'hui à Québec. Mais moi, je veux savoir, tu as donné des entrevues à Tampa Bay. Qu'est-ce que les gens de Tampa Bay pensent de ton article? Est-ce que tu as eu vraiment un son de cloche là-dessus? Ben, parce que on voulait avoir des précisions parce que on trouvait. Évidemment que la traduction de l'article qui est envoyé, qui a été repris, c'est bien souvent une traduction Google. Là. Ouais. Et je pense que ce qui avait été mal compris à Tampa, c'est qu'il faut qu'il y ait une entente entre Stuart Steinberg, le propriétaire des Rays, et le groupe de Stephen Brofman, une entente de principe. Okay. C'est dans les trois prochains mois, mettons. Ouais. Parce que avec cette entente de principe-là, Brofman peut aller négocier l'achat du vaste terrain sur lequel vont être construits au minimum 6000 condos, le stade, etc. Il faut qu'il rencontre la ville de Montréal. Il va acheter le terrain du fédéral si ça fonctionne. Ouais. Puis après ça, embaucher des architectes. Tu ne peux pas acheter le terrain, le faire décontaminer sans avoir déjà une entente de principe sur pour la propriété de l'équipe. Mais cependant, il n'y a rien qui va être officiel. Je pense que c'était mal compris, ça n'en fait pas. Il n'y a rien d'officiel tant que le baseball majeur n'aura pas approuvé en janvier de l'année prochaine. Tous les projets, le plan du stade, etc. OK. Mais Régent, moi j'ai la question que je me pose, puis c'est bien beau tout ça. J'ai entendu l'entrevue de Jérémy Filosa 98.5, j'ai entendu ton entrevue, j'ai lu ton article. Tout ça, c'est bien beau, là, mais moi je pense, je veux avoir ton opinion là-dessus, que ça va frapper un nœud à un moment donné avec l'association des joueurs et la ville de Tampa. Et je m'explique. Pourquoi la ville de Tampa bâtirait un stade? Ça fait 10 ans qu'elle essaie de bâtir un stade avec une équipe à temps plein, puis là, il en bâtirait un avec une équipe à temps partiel. Tu sais, ça paraît beau tout ça, là, mais je pense que ça va frapper un nœud quelque part tantôt. Là. Ah, ben, si c'était facile d'être milliardaire, là, on le serait nous autres aussi à Falardeau. Hein. Ouais. Je pense que l'association des joueurs, je l'ai posé la question. Oui. Cette question-là, là, Dan, je l'ai posée à Bronfman. Ils disent, écoute, c'est comme le reste, hein? On va négocier, puis ça va se régler comme d'habitude, comme les choses seraient, en négociant et en mettant de l'argent. OK. Et ils disent, faut pas oublier que les joueurs s'en viendraient à Montréal, mettons, vers le 20 juin, là, après l'année scolaire des enfants en Floride. Ils débarquent à Montréal le 20 juin, mettons, 21 juin. Et là, il arrive dans une ville, la ville des festivals, festival juste pour rire, festival de jazz, tout de suite après le Grand Prix du Canada. Leurs maisons les attend. Ceux qui veulent des condos, les condos sont prêts. Ils s'installent à Montréal pour deux mois et demi. Le temps de jouer les matchs de baseball. Les familles, s'ils veulent, peuvent rentrer à Tampa en début de septembre pour les classes. Mm. Puis les joueurs, eux autres, finissent la saison. C'est-à-dire, c'est quelque chose de... C'est comme le reste, de ça. Tu sais, les joueurs de baseball, là, on a de la misère à comprendre ça. Ils font 20 millions, mais c'est pas eux autres qui vont payer le déménagement. Non. Ils font 20 millions, mais c'est pas eux autres qui vont payer le loyer de leur loyer. Ils vont arriver dans des maisons, puis des condos... Ça va être Top Gun qui vont les attendre. Mais Régent, rappelle-toi, lorsque les expos étaient à Porto Rico, tu te rappelles de cette époque-là, l'association des joueurs, les joueurs trouvaient ça pas drôle, aimaient vraiment pas ça, et trouvaient que c'était infernal, et ça, tout le monde savait que c'était une mesure temporaire. Et non, de façon permanente. Là. C'est pour ça que je te dis ça. C'est quoi la question? Ben là, c'est la question, c'est de savoir, je voulais avoir ton opinion là-dessus. J'ai hâte de voir ce que l'association des joueurs va dire là-dessus. Toi, est-ce que tu penses que ça va se faire d'ici 2028? Parce que moi, je pense que la mesure que ça va aller avant 2028 nettement. Là. Moi, je pense que une ville, deux équipes, moi, je dirais que ça devrait. Les possibilités. Dans un univers idéal, ça serait l'été 2024. Ouais. Je pense que 2025 me semble possible. OK. Mais là, il ne faut jamais oublier une chose. Là. Mm. Il y a un bail avec la ville de Tampa, au Tropicana. Après ça, il y a tellement de choses à régler. Ouais. Mais Bombardier vient d'être vendu 10 milliards. Là. Mm. Penses-tu que ça s'est fait en 3 jours? Non, c'est sûr. Mais là, Réjean, hier, moi, ce qui me rassure aussi, c'est que Robert Manfred a mentionné qu'il croyait au marché de Montréal à temps plein. Ça, c'est rassurant que le commissaire dise ça. Là. Ben, je pense que si t'avais. Je pense qu'il y aurait. Vaut mieux, dans ce cas-là, lire le texte original. Ouais. Qui a été publié dans le Tampa Times. Ce matin. Okay. Dans le texte original, M. Manfred, qui est le commissaire du baseball, lui, il commence en disant qu'il trouve que c'est loin d'être fou, que c'est un projet extraordinaire, que c'est une bonne façon pour le baseball de sauver le marché de l'ouest de la Floride et de revenir dans un marché extraordinaire à Montréal. Mm. Et il dit, cela dit, je pense que Montréal a ce qu'il faut également pour avoir un club du baseball majeur. Ben oui. Mais il dit, ça va dépendre des promoteurs. Mm. Ça dépend de ce que M. Bronfman veut faire. Mm. Et M. Bronfman, lui, c'est clair et net. Lui, là, présenter du baseball à Montréal pendant les 3 mois d'été, se sauver d'avril et de mai, ouais. Il trouve ça absolument parfait. Mm. Et soit dit en passant, il y a combien de personnes de Dolbo, Mistassini, ouais. Puis Saint-Gérard, ça existe encore, ça. Saint-Gérard, c'est où, ça? Girardville. Girardville. Bon. Girardville, OK. Puis il y a Saint-Eugène aussi. Saint-Eugène, hein? Lorette, Saint-Stanislas, c'est tout ce que tu voudras. Il y a-tu bien du monde qui va partir du boulevard Warburg au mois d'avril? Non. Pour venir jouer les Expos à Montréal? Non. C'est sûr. Ah, ben ça, c'est ça. Et je pourrais poser la même question avec Rimouski, Matane, La Beauce, même Québec. Mais n'empêche que dans le temps des expos, il y a les gens des régions qui étaient importants pour les expos. Là. Ça, c'était quelque chose. Ça va être encore plus important. Parce que là, c'est pas compliqué. Ils vont avoir 41 matchs pour faire leur argent. Ouais. C'est-à-dire 30 000 personnes par partie. Dernière question qui m'intéresse, que tu m'avais dit, j'ai 10-12 minutes pour toi. Tu es un vieux de la vieille dans le monde des médias. Penses-tu qu'à RDS, penses-tu que TVA Sport va s'intéresser à Bell Media et un autre réseau, 91.9, peu importe, 98.5, à radiodiffuser et à télédiffuser 162 matchs des Rays et des Expos? Envoyer une équipe de commentateurs à Tampa Bay. Penses-tu que ça va intéresser les médias? Quand à l'époque des Expos, on avait de la misère à avoir une couverture et kiff-kiff avec les Canadiens. Combien paye RDS pour les matchs du Canadien? 1 million par match. 62 millions. Ouais. Ouais, en fait, c'est 60 millions pour 62 parties. Ouais. Et TVA, avec les séries éliminatoires, ça revient à une affaire épouvantable. C'est 35 millions. Mm. Est-ce que ça vaut 1 million par match? Pas du tout. D'après toi, le Canadien va-tu re-signer dans 4-5 ans à la fin du contrat? Est-ce que le Canadien va signer dans les mêmes conditions? Jamais. Non. J'ai hâte de voir, ça va être toute l'industrie du sport. Avec le streaming qui s'en vient, c'est toute l'industrie du sport qui va être à la baisse, des télédiffusions et ainsi de suite. Ça, c'est un autre débat. Là. Et il, ne, il ne faut pas oublier un point majeur. La Ligue nationale de hockey vit bien avec les contrats locaux et les contrats canadiens de télévision. Le baseball majeur, l'argent ne viendra pas de RDS et de TVA. Là. C'est le contrat, à moins que je me trompe, c'est 5 milliards, je pense. Tu pourras vérifier. Là. Le contrat de télévision aux États-Unis, c'est 4 ou 5 milliards par année. Ou c'est peut-être la NFL, mais tu vérifieras. Mais je veux dire, RDS, TVA Sport, ils vont payer 10, 12 millions, je présume, pour une saison. Mais je pense que le marché de Tampa, c'est un marché très lucratif côté télévision, côté... les codes d'écoute sont très forts par des races. Il n'y a pas de monde dans le stade, mais ça va vraiment que c'est toi. Dernière question, Roger, tu viens-tu à Tolbeau souvent? Tu viens-tu dans le coin au lac Saint-Jean? T'es-tu encore attaché pas mal à ta région? Saguenay, oui, mais le lac Saint-Jean, plus le nord, tu viens-tu de temps en temps? Je dirais que je vais au Saguenay à chaque année. Ouais. La dernière fois que j'ai fait le tour du lac en moto, ça doit faire déjà 6-7 ans. OK, avec Jean-Luc. La productrice des Jeunes Loups, la télésérie que j'ai faite, Marlene Beaulieu, elle vient de boulevard Warburg. Ah, OK. Ouais, c'est bon. Tout me ramène à Dolbeau. Ben oui. Réjean, merci beaucoup d'avoir pris. Tu étais un homme très, très populaire aujourd'hui. Je te laisse aller au 91.9 pour